بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنة بن سنتيال جلت ينتبه صلى الله عليه وسلم جنة بن دفئ أي جتا يخواتك دقنت نانك سسنت جاب كاتر جتا يتوالو ياقوتة الحقائق بما نمشارح ياقوتة الحقائق منيان بو أما أمسولا وخامنتنا دي وحتي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياقوتة الياقوتة moy xétu rus la bu yéme moy or pur wala wa wala traduction ya sainte voilà la secret ko ta bu ko do traduire en français ko don fur dañ ko don la ya sainte de réalité voilà donc voilà voilà la perle voilà voilà l'or pur des réalités voilà l'or massif voilà des réalités lool mën ko traduire non mais plutôt le mot hyacinthe voilà voilà donc muy luy wax ci walu haqqatu muhammad ya sallallahu alayhi wasallam nga xamantene ñaan la bo xamne yantibi sallallahu alayhi wasallam ci bopom moko jangal sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu tabaaraka ta'ala anhu rtawana bihi nga xamantene mom kesse manam mom la ko jox bokku na ci jagle bi mom wolbeuti ko jox ndiko ya khotot khaqi mom sa cheikhuna wasal kana rabba abbas ahmed tidiane radiyallahu tabaaraka ta'ala wa tawarna bihi bok na ci bo legui nak li nga xamanteni mom moy kon suñu jotay bi dañ koy daldi beral aman ak jotay di ñu mais plutôt jotay bi ni dañ koy daldi beral ci charge bi nga xamne mom lañ ci defoon té bokon ci sukkandiko won ci jawahirul haqa'iq fi sharh yaqutatul haqa'iq voilà voilà muy les perles des réalités sur le commentaire voilà sur l'exégèse de la hyacinthe de réalité voilà manam kon muy voilà de nga ganjari haqa'iq moy deug deug mbir yi ci sharha yaqut haqa'iq bi nga xamantene sir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu mom ci bopum moko def dicté ko sir al kharazm sir mohammed mushir radhiyallahu anhu ñom ñoko tokal do tokalé ko ci mom ki indi ko ci al jami' li waqtara khamina durar fi ulama ki ci dess indi ko ci jawahir maani muy sir al kharazm رضي الله تبارك وتعالى عنهما لغي بوكنا كون لغي في متامبالي وون لغي دنج كوي ريزومي دينا ام ناك اي بوين يو خامتاني يوي لا ني جوخ يوي تي يوي لا ني ريزومي باسكو يوي دنجي غيس ني ليپ دي بو خوله شارت بي ييب اي صلاتو بي ييب دا دون وور وورلو تي كاد يوي ديمغا بن كون مونيه في مونتيكي موم موي غنيلي kon lool mom moy première partie moy ngeenelu salatu ala nabi bi hein moy ne kep ko xamantene sen ahmed tidiane radhiyallahu anhu wala ta nabi neena kep ko xamantene da nga saxo ci diko jang def na la garantie lan manam te manam ni ndax ñaan gi dafa lambo mbolam xeti yiw yi nga xamantene ñoo am aduna ak al-akhirah ak mbolam xeti yiw al-akhirah kon lepp manam dang ko am dang ci jox kepp nak ko xamantene daf koy zikar manam da koy jang ci suba da ko jang ci suba ak ngon jang nako ci suba li ak ngon han manam ñaar yoon deug ñaar yoon suba ñaar yoon ngon def nako jigal bakaram yu mag yek yu ndaw yi ak lu bakar yi meuna toll te yalla da nako defal ngeenel go toll ni manam du am ay def def le ay imagination wala ay xéti du trouble yu meuna xew ci manam wetal gi mi wetal sédé gi mi sédé wetu borom subhanahu wa ta'ala manam ci walu tawhidum waye nak il faut que lolu mu am ndigal bo xamantene bu wër la bu tuké ci sen ahmed tidiane radhiyallahu anhu wala nabi wala bok ci ko xamantene jox na ko ndigal manam ci manam mu xadam yi nga xamné am nañu ndigal ci mëna joxe lolu parce que mukhadam yi daf ci am tam ñoo xamni am nañ digël mëna joxe yu zikkar yi yenn yi am digël yo xam mënu ñu joxe yenen yi mais ñim am digël gogou ñoonu ñom la légui nak ci mana yi légui mom lañu wara wax ci ak ak saxabe bo buñ gisé kon mana yi lay gis ne mom dafa tambalé Allah Allah Allah manam wax yalla waxon nañ bon ci kaddu yi baatu Allah fi mu joggé ak ciosanam ak yoy en tout cas mom moy tour bi nga xamantene kon fi ni amna ben mbir bu am solo buñ ci gissone moy ne moy tour mom Allah moy tour bi nga xamantene amul ben mana ludul jëm borom subhanahu wa ta'ala nekam aji kawé ji nga xamné buñu luñu doyal la mom l'absolu lettre mom sa rek lettre l'essence absolue voilà l'essence exaltée le très haut absolu voilà donc motax ñuy wax né mom moy ismullah al-azam manam moy al-ismul azam tour bu mag bi voilà denga denga kon mom moy ismul azam denga ayo legui borom bi subhanahu wa ta'ala kon daf ko tuddé bopam tour bobu ci ghaibul ghaib fofu nga xamantene dara amul won lo xamantene dafa nek ak mom wala lo xamantene def nako meuna ghaibul ghaib moy le mystère des mystères wala hein le mystère des mystères kumpay kumpay manam wala wala nga xamne bob mom nek wala amul won dara lo xamantene war na tax mul ko tuddé bokkum wala yu mel non légui fi dafa am benen affaire bo xamantene tam gisoon nañ ko fi té mu am solo mom moy hadarat manam tourum yi mom ci bopam subhanahu wa ta'ala manam nan la mindi fi génné mindi fi niñu génné bi mom moy tour yi manam le borom subhanahu wa ta'ala ci azal nga xamantene amul won dara lu nek ak mom lolou mom motax hadar bob lañu tuddé hadar tams wal amal lolou motax manam ci buntu bob légui dañ fokk lañu tambalé pour commencer dug ci buntu hadar ay hadara biñ ci kam moy al moy hadaratu tams wal amal moy al moy hadaratu amal ula tam dañ ko koy wax manam fofu at tams moy lo xamantene dañ ko mur neub ko al amal moy lo xamantene hein dañ ko yir motax nuage yi ñu rafa al amal ci arab lolou fekk mu neub moy imperceptibilité inaccessibilité intangibilité donc lolu moy le mystère total dans ci fofu la borom subhanahu wa ta'ala manam ci hadara bobu mom donc lolu mom moy première chose bi legui bi mbir mi xedeme nono dafa am benen deuxième hadara bobu hadaratul ama athani la tud legui dinañ ci ñëwaat lolu inshallah mais lolu pour ñu comprendre processus bi c'est-à-dire que borom subhanahu wa ta'ala ni mu nekké nonu ci bu ñëkk bi moy en son essence manam mom nek nekam dafa nek lu ñu tuddé khayatul butuni manam dafa nek dayak laqatu dayak nebutu motax lolu bu ñuy wax walu xam yalla ak yu aju yoy manam maarifa ak lu ci aju yépp day wër wër lo wul mukk jamais ci affaire bobu parce que yalla kenn mënu ko xam ci essence am ci buntu bobu parce que essence am dafa laqatu dayak laqatu buñuy wax xam yalla yeb yenen hadara yi motax nga yoy dinañ ci ñew legi inshallah ci différence entre hadaratu zat ak hadaratu asma wa sifat legi bi mbir mi amé non legi tour legi shuun yi manam mbir yi fi ñu nekké ay shuun lañ shuun moy ay truc nek nek ay chose truc notion voilà ay mbir la mbir voilà shuun plurielu sha'na la sha'nu moy plurielu shay'un moy dara quelque chose un truc une affaire une notion yaangi deg kon ci ñu dem sha'nu moy plurielam sha'nu plurielam moy shu'un voilà legui mo taxal kullu yawmin huwa fi sha'ni yalla bis bu nek mi ngi ci ay mbir manam ay mbir yu muy feñal pa mbir yu mu tambali mbir yi nak au début ñom ñep ni ñu nekk ci hadara borom subhanahu wa ta'ala ci hadaratul ama athani manam ñaarelu hadara bi nga xamantene moy hadaratul ama manam moy dafa laq dañu nekk ci imperceptibilité totale parce que ñaar hadaratul ama ñu existe bu ñëk bi moy imperceptibilité totale la sauf que mom moy bu ñëk bi moy bi nga xamantene mom bobu amul accès manam amul moyen d'accès bu ci mëna nekk parce que extrémité d'occultation mo ci am manam dafa laqatu day laqatu mu am benen hadara bi nga xamantene mom mo ci teggu fofu ci la amé benen manam mom moy hadaratul bu leg la sax dañ koy tuddé adam ak adamul adam dañ koy tuddé adam adam moy le néant hadara bobu moy fi nga xamantene c'est ya le néant moy lu dara amul xam nga néant le néant en réalité c'est une existence le néant en tant que tel effectivement voilà le néant le néant du néant lolu le néant du néant lolu tamit benen existence la mais bobu yalla rek mo ci am accès lolu ci minde fi nak ci nit ñi man minde fi dafa nek lo xamantene mënu ñu ci am accès ñum lutax parce que c'est le néant hein néant en tinu existé wul mënu ñu ci am parce que voilà mais ci yalla existé na et que dafa am ay xew xew yu fay am e ke ci hadara bobu borom bi subhanahu wa ta'ala ci la mbir yi bobu mbir yep amuñu won tekantal lolou fofu non mom lañ ko hadaratu shu'un wa mo batay wa hadara bobu tamit dañ koy hadaratu shu'un batay diko hadaratu al-adam diko hadaratu thani ama athani ama athani mais hadaratu nek li hadaratu ula la عمل العمل الاولى حضرت العمل الاولى رجع طب حضرت العمى والطمس لغي بيغا خامتيني كون فوفو ميري فوفو بارتي بوبو بي دارا генغول مير ييب ñu nuro won amuñu won ben spécificité amul ben mbir mu am spécificité par rapport ak monom amul won mais motax buñuy wax né ci hadaratul adam ñun existé won nañ ci hadaratul adam fof nga xamantene dara xewul wala hadaratul ama athani dañ ko hadaratul shu'un fof existé nañ mais amuñu won ay caractéristiques manam mé nak ci xam xamu yalla yalla xamone na nan lañ wara mel ni buñu génné xamone nako mais lool mom motax ñuy laat bi tont manam manam moy motax bu la nexé ngani musu ñoo dañ di exister bu la nexé ngani non suñu existence dafa am commencement ñaari wax yépp dakonté wuñ bu fekkenté né da nga ni musu ñoo dañ di exister moy ci xam xamu yalla musu ñu dañ di exister ci xam xamu yalla bu fekkete ak namam parce que dañu pré éternel mi yalla yagge te amul fu mu tambalé suñu existence ci xam xamam ni la yagge niki nonu suñu existence ci namam ni ñun dañu mësa gënë di non la yagge te amul fu mu tambalé donc ñun musuñu dañ di exister mais ci xam xamu yalla mais musuñu dañ aussi mais suñu existence dafa am fu mu tambalé manam moy jele bimu jele ci ñak am moy hadaratu adam non existence indi ñu ci hadaratu wujud moy l'existence la présence de l'existence voilà le domaine de dominium le domaine la sphère de l'existence voilà sphère existence voilà exactement donc kon ñaari côté yoy la ci lañuy waxé ni par exemple ñun mus ñu dañ di exister pour la neex nga ni sama existence am na fu tambal effectivement manam existence ñep mais donc ci hadaratu shu'un bob mus amuñu fa amuñu fa ay particularité c'est à dire que amuñu couleur amuñu taille amuñu melo amuñu âge wala durée détermination ou durée amuñu place lié du wërseuk tamit buñu tégal wala atté yi nga xamné ñoo wara daw suñu kaw yoy nga xamantene ñom ñoy jallar bi ko ci bir mindeef yi nga xamné nit mindeef mu nekk amna loolu loolu nak ñun amuñu ko mais amon nañu existence bo xamantene après ci lañu démé né tour yi né tour yalla yi manam ci xel ci bobu bobu ñun am ay truc rek lañ truc yi nak dañu ñew nek né yalla né tour yalla yi wa yeen yeen ngi ni tay kenn xamul len so len bëggé ñu xam len ni ngeen di def moy il faut que ngeen créer ngeen manam seen effet am manam il faut ngeen liggéey manam té lool il faut que yeen ngeen genn ñu manam ñu joggé ci ñaak am ñew ci am su ko défé seen effet bi mëna feñ manam en gros bu fekkenté né ku ñuy wërsegal amu fi yalla manam tour bi nga xamné moy ar-razzaq aji wërsegalaté gi do am effet ku ñuy yërem bu fi nekkul ar-rahman wala ar-rahim du am effet ku ñuy djéggal bu fi nekkul kuy bakkar di def bakkar bañ war ko djéggal bu fi nekkul ghafur ak ghafar ghafir ñoñu du ñu am effet ku fi et cetera yaangi deg yaangi deg ku wala kuy tontam bañ war ko duma su fi nekkul al-muntaqim du fi ne du am wala shadidul iqab xet yoy ñoom duñ fi nekk donc il faut mu am li nga xamne mom moy tour yi donc pour ñu mëna am effet il faut que ñu genn ci inexistence bi ñu nekké da na ñew ci existence légui nak laaj bi moy té laaj bobu tonto won nañ ko moy ci lool nan la mëna nekké su fekkenté né mbir yi existé wul ba paré manam mbir yi existé wu ñu nan lañ mëna ñëwé di waxtaan ak tour manam di waxtaan ak lu existé boba dañ nan la loolu mi ngi xewé comme ay gis bi nga xamanté né aji gënt gi non lay gissé dara manam ci xayal manam dans le monde de la fiction dans la fiction wala dans l'imaginal mom ci lay amé moy genre comme genre yoy la mel voilà légui ñom ci lañ ñuy wax ko tour yi na nak ñun nak dañu am kilifa go xamantene dal xamna ni ba lañu def ben jël ben décision ci mbir mi ngeen ñu wax il faut ñu dem waxtaan ak mom ba noppi non ñu dañu ne ñun dañu bëgg gëne ci dañu bëgg dañu nekk ci non existence dañu bëgg ñew ci existence waaw manam pour yeen au moins yeen ngeen am effet ngeen am effet ci ñun ngeen am effet wala ñu mën leena xam waaw d'accord légi ba légui ñu buñ leen xamé deuxième hadra bi ba légui voilà ci partie bobu buñ leen xamé dañ ñu xam ñun yeen buñ leen xamé ñun ñu xam ñu aussi manam voilà manam hein sen martaba mëna ragneeku ñu mëna xam né ak razzaq ndekete bokut ak rahman bokut ak qadir bokut ak aziz bokut ak hakim et cetera ñom ñu né waaw légui amna benn tour bu ñuy wax al ismul jami' moy suñu kilif moy tour bi dajale mbiri moy rabb ar rabb legi ñun koku lañuy dem inshallah dañ ko gis buñ ko gisé ñun dal ba lañu dox da wax dara ci seen li ngeen di wax ñun dañ ko dem gisi ji bu bare biñu démé ci ismu bobu mom mu daadi dem duggu ci hadara ki nga xamne mom moy tour bu mag moy ismul azam man moy tour bi nga xamantene mom mo dajale yenen tour yi te mom moy Allah Allah daal dem daadi wax ne ko daadi wax doléance manam wax li suun yi wax te ñu waxon ko rabbu te rabbu daadi gis mom kilifam moy Allah ñu daldi dem ci mom daldi waxtaan ak mom legui nak bimu ko waxe dal ne ko ñi li lañ wax ci mbir mi legui nak mom mu daldi dugg nak ci hadara bi nga xamne mom moy hadaratu zaatul muqaddas mom tamit manam mu dem ci ki nga xamne deug nak manam moy nek gi nga xamne mom moy di sori lepp lo xamantene ak mat la waxuma la ak matal manam borom subhanahu wa ta'ala dafa deñ ci sax mat parce que mat waxuma lak matali amul ben rapport c'est à dire que dafa deñ ci mat liñ ci djublu moy dafa deñ ci ñun liñu tuddé mat ñun liñu tuddé mat mom daf ca deñ parce que lolu ak matabi la ci walam mom borom subhanahu wa ta'ala bi mu démé nak mu né wa kon légui dina def li ngeen ma wax wala sen donnéance dina ko exécuter lolu nak ba mu amé borom bi nak subhanahu wa ta'ala kon gis nga lolu ñi ngi ko indi won ci bi mi wax ci walu ism manam ci walu Allah ci walu Allah ak yoy legi li nga xamantene kon mom moy fofu kon legi ñu ñew ci walu hadara yi manam hadara yi dafa am d'abord hadaratul ahadiyyah hadaratul ahadiyyah mom moy askana gi nga xamantene mom moy askano xam nga bi yalla ñeuk askano ci deug deug ci nek nekam bi subhanahu wa ta'ala ndax ci hadaratu zat manam yalla dafa am luñuy wax d'abord hadaratu zat fofu yalla amu ci askan amu ci dar amu fa tour amu fa melo amu fa askan amu fa luñ ko meuna attribuer amuko amu fa dara dal amu fa tour sax hadaratu zat moora dafa laqato ba nga xamne moy fi ghaibul butun amu fa ben tajalliyat manifesté wul fofu ci dara fofu mom moy hadaratu zat mais hadara bi nga xamantene nak legui dafa am ben luñu wax tanazzul moy lan c'est à dire que rapprochement bi mu rapproché davantage par rapport ak minde fi mu nek ben forme wacc bu mu wacc pour ñu mëne comme am accès ci mom proximité non collègue dedet rapprochement voilà légui lool la def parce que lool su ko deful kenn du ko mëna xam té du am askan du am manam du am tour du am dara légui bimu ko défé fimu ko ñëk défé moy hadaratul ahadiyyah fofu xam nga waxon nañ la hadaratu zat mom moy hadaratul tams wal ama fofu mom amul luñ mënuñu fa imaginer hein wala xel mënu fa japp ak meloy wala tour wala nek wala jeexital wala lenen wala ak def la wala ñaata manam di nombre di ut ay nombre wala ay circonstances de manière amul jagle amul dara kon légui bi mu génné ci hadar légui nak après mu génn nak kon ci hadaratul ahadiyya feñé fofu nak dafa feñé ci né mom mo xam nga xam ahadiyya moy la présence hein ahadiyya moy de l'unité hein voilà légui fofu amna lu mu nuro hadaratu zat mom moy lan moy le fait que dañu fa far lepp lo xamantene aw askan la moy attribution wala lu ñuy wax lenen wala ko djuk lenen moy autre et autrui amul fofu dara voilà sauf que amna lu mu wouté hadratu zati mom moy hadratul ahadiyya mom manam melo wona fa di kenn di ciapatul manam au moins mom fofu nonu meuneuf na wax ni kenn la alors que hadratu zati manam di wax ni yalla borom kenn la gogou sax mom man fa ne voilà deug kon fi nga xamantene kon mom lañ mëna jëk am ben aperçu bu ñu mëna xam manam xel mëna japp moy wax ne fofu kat mom borom subhanahu wa ta'ala nek na kenn mais lolu kim xel do nga lañ ko mëna japp du lu mu feñé sax bañ mën ko am bañ mën ci am accès té keneen mënul xam lolu nonu namuko nekk ak namuko taxawé luddul mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom ci jëmi bopam keneen kudul mom lén do nga la ci am moy ci xel mu xamné yalla mom kenn la mais nan la nekk kenn ak kenn ga numu kenno ak lako kennal lolou munu amuñu ci ben imagination waxuma la di xel mi diko meuna dat diko comprendre dedet liñ meuna xam dal moy ne a hadara bobu de yalla kenn la jeexna lolou lañ ci meuna xam voilà deng legui fofu tamit borom subhanahu wa ta'ala du fa feñu kenn du manifester wu fofu a travers kenn parce que lutax parce que fofu hadara bobu même bu fa nit dugon ni dañuy far manam leppum lo xamantene manam de telle sorte que mom ci bopam dootul nekati do amul jeexal amul jeeg amul defle amul manam même extinction bobu jeex tak gogu ci yalla sax du ko fu meuna amé voilà du sax yek ne jeex na ci bir ce qui fait que manam mom bu boba da ngay gis ne borom subhanahu wa ta'ala nekku fa luddul di feñu bopam at manam di feñu bopam ci hadara bobu man kon hadara bobu mom yalla bopum rek la fa meuna feñu kon ce qui veut dire manam bopum rek la fay feñu te lolu rek mo fu meuna ne kon lolu mom moy hadara kon hadara bu jëk bi non bu moy ñor parce que hadara tu wa moy ñaaral bi voilà legui ñaaral bi voilà wa ñaaral bi lolu mom le moy hadaratul la ahadiyya hadaratul ahadiyya très bien hadaratul zat voilà parce que ñewuñ kon fi chouuni li ñewé c'est que chouuni dañ ko waxon rek chouuni fal ci ñaaral hadar voilà hadaratul amal mais kon askanonté manam légui nak ñu ñew kon ci ginnaw biñ xamé ni première fi mu yalla borom subhanahu wa ta'ala outalé bopam askan ci hadarati hadaratu zat la bi mu ñewé fofu amu fa askan amu dal mais fi amna fa askan mais sauf que askan ben rek la moy la nek gi mu nek kenn ak incarner gi ko incarner te kenn mu ñu ci am accès be yent bi sallalahu alayhi wasallam sax borom bi raw ko set ki wu feñu ko fofu borom bi bokkum rek la feñu legi nak fofu legi comme que fofu mom moy premier li ñu wax an nisab moy attribution yi askan yi legi fofu nañ lool nak mom lañ wax ne ñetti askan ñoo am exister marati bi manam les dimensions des attributions manam dimension yi wala niveau yi nga xamantene mom la di mom lañ mëna askanalé borom fofu non subhanahu wa ta'ala ci hadarati ñett ci hadara kon bu ñëk bi mom moy hadaratu ahadiyya parce que hadaratu zati amul lool baax ñett la kon bu ñëk bi moy hadaratu ahadiyya kon mo fofu mom martaba nekkam dong la mom borom subhanahu wa ta'ala fo xamantene mene fufa nek di imaginer kenen wala lenen wala ko juk kenen wala lenen munuñu ko am fo tour amu fo melo amu fo manam nuñ koy meuna mandargal redd ko amul ñaata amul naka amul nuy meuna xel diko meuna dajje amul noy meun di generer ba man ci egg ludul ne yalla rek ka fa nek te sukkandiko ci yalla nek ci bir yalla ngir yalla wolif yalla jeex fofu mom lolu martaba bobu dagn koy wax martabatu kunhil haqq martaba nekuk han deug manam ki nga xamne moy deug gi moy le vrai legi kon lolu moy martaba bu nek bi ñaarelu martaba bi moy martabatul wahdatul mutlaqa han wahdatul mutlaqa moy martaba tiapatulik wala kenn guñu doyal gi moy la dimension wala le niveau de l'unicité absolue voilà kon fofu mom moy premier nak fu muy feño kenen fofa la parce que fofu meuneuf na fa imaginer kenen wala lenen meuneuf manam meuneuf na fa xam voilà autre et autrui bobu martaba nak mom moy martaba bi nga xamné ci lako sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam di jakarlo wé boromam manam shuhudu manam son témoignage le témoignage du prophète sallalahu alayhi wasallam c'est à dire de la réalité muhammadien envers son seigneur allah subhanahu wa ta'ala ci martaba bobu la koy défé moy fofu nak kenen bokku fa ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam ludul ko xamantene yalla daf ko defal li nga xamne mom lañu tuddé al khufufiyatul usma moy jagle bu magama té mom moy martabatul khilafa fofu en fait képp ko xamantene manam mashrab bobu manam nan way bobu ñoñu rek ñofa am ki té moy ñan moy wa ahlul ikhlaq moy les gens de l'absoluité c'est à dire ñi nga xamné dañu am ak doyal ñom dañu dugg ci yentou sallama jeex ci sey manam ñom seen inexistence seen existence dañu dem ba éteindre ko ci biir existence yonent bi sallalahu alayhi wasallam ce qui fait que yonent bi sallalahu alayhi wasallam ñom dañuy exister en tant que personne yu ñu xam ñu tuddu modou ibrahim samba jean djibiti alors que yonent bi sallalahu alayhi wasallam mom moy dox di feñ par à travers ñom donc ñooñu voilà sont les gens de l'absoluité ñooñu yenente bi lañ en personne bu retourné wat rejet voilà mom moy ñooñu nga xamné d'ailleurs yent xam nga mom lañ doon wax kéro Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu lolu mo tax ñu tuddé ko Ankarul Maghrib le phénix du désert du Maghrib parce que tour bobu mi ngi ko jëlé ci affaire bobu le fait que muy ñëw di fekk ben nit mu yaq signature génétique mi djel bossam remplacer koko par bossam mom ce qui fait que ni koko legui day dal di mujj cheikh ntidiane dal di régénérer wu ci mom di dunda parce que xam nga phoenix non la mel manam mom day renaître de ses cendres toujours donc cheikh ntidiane radiyallahu anhu mom lolou lay def le fait que muy ñew di yak signature génétique ADN nit ku ko neex di yak ADN am djel ADN am dugal ko ci ce qui veut dire que mom la legui c'est à dire que d'autres lois du mom là amen voilà mëna ce cas de ko donc de régénérer té dénul diko def chaque époque di am ay nit ño xam tane lolay def ci non lay doxal ak ñom am day régénérer à travers ñoñu di continuer lim dal liguey ba ligi jusqu'à la fin des temps ñoñu nak ñoy borom jatlé yu reuy yi nak ñoñu nak Allah amin amin amin amin cheikh deng kon ñoñu kon yentou bi sallalahu alayhi wasallam ñoñu lay ñoñu nga xam parce que en fait cheikh moy yentou sallalahu alayhi wasallam parce que mom moy batinam manam l'entité du prophète sallalahu alayhi wasallam entité moy sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu ben la ko amul différence entre ñu né yentibi wala cheikh non est-ce que lolu sen différence fi mu amé fenn rek la moy sen feñ giñ feñ ci fi ci kaw suuf fofu rek la différence bi nekké mais dans la réalité Alhamdulillah la réalité bi moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moy manam mo incarné haqqatul muhammadiyya ci biti zahir bi non mo haqqatul muhammadiyya mais comme niñ ko gissé inshallah haqqatul muhammadiyya ci biram en réalité haqqatul ahmadiyya la c'est ça son origine hein moy ci sana haqqatul ahmadiyya bobu mom légui haqqatul mo genn né haqqatul muhammadiyya ci biti moy la réalité muhammadiyya musulman muhammad sallalahu alayhi wasallam mais comme dafa laqatu haqqatul ahmadiyya biñ demé ba diru jamono nga xamné wilayatul uzma fofu dafa wara feñ deug bu mag ba mag yenenbi sallallahu alayhi wasallam rejé feñ ci haqqatul ahmadiyya moy sayyid ahmed tidiane d'ailleurs moy secret bi tax mu tuddu ahmad sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu warda annabi voilà motax mom moy al khutbul maktum al parsakhil muhammadil ma'lum gis nga manam kon yenenbi la sallallahu alayhi wasallam mo gennal aynul moy wala aynul haqqat muhammad aynul usirna wa ahmasa sa moy jumum c'est que ce sont entités voilà moy biram voilà ben la voilà motax jeex ci cheikh moy jeex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà wallahi rere nañ ci seri deng kon mom cheikh mutidiane ko ko wala bok yentu bi sallallahu alaihi wasallam manam mom lay temu ci borom ci hadara ci martaba bobu kon moy moy deuxième martaba bi hein moy martabatul wahdah al mutlaqa moy fi lañu feñe dedet lolou botay ñewuguñu ah luy maratibi la li maratibi la ñi ngi ci maratibi maratib bi nga xamne martaw bu nek ci hadar za bu tek martaw bu nek ci hein bu jëk bi moy ahadiyya bi voilà ahadiyya legi bi ci dess mom moy ñaaral bi mom moy martabatul wahdatul mutlaqa voilà mom wala d'ailleurs motax wa alu italaq ñom non lañ mel ñom duñu gis loolu yalla par yalla ngir yalla luñu gisee motax ku yent kep est ce xam nga lool kuy gisee mbir yi ci beutu cheikh mutidiane radiyallahu anhu mbir yep dang koy gis d'un seul coup lako dole ci azal ba abat mom to atal lego kuy gisee mbir yi à travers cheikh mutidiane radiyallahu moy à travers yent bi sallallahu alayhi wasallam mbir yep dang koy gis d'un seul coup waaw lepp motax ñoñu ñoy ñoo ahlul itlaq yoy ñom lepp lañuy xam parce que ñom comme ñom xam nga ñom amuñu lool amuñu maqama amuñu place amuñu xal amuñu dara ñom yalla lañ am moy al wahdatul mutlaqa gogo le fait que yalla nek kenn dong di ciapatuli ci anam guñu doyal nga xamni ñom nonu la ko yentou sallallahu alayhi wasallam di gis di jakkalu ñoñu mbiri ñom non lañuy doxal ñomit non lañ mel lotax afraad ñu leen tudalo ñom ñoy wax lu itlaq haqiqatan mais ci anam gogou motax ñom amuñu maqama amuñu ki yoy amuñu yoy yeb manam ci buntu bobu lañ leen di wax le fait que ñu gëna jégué yalla ñepp nak té mais de manière absolue ñom ñoy fursan yi ñoñu motax le fait que lolu am ci ñom motax ñu len ñuy wax maqamul qurba ci seen mbir jégué giñ jégué borom subhanahu wa ta'ala moy ñi seus ci cheikh mutidiane deug wa radiyallahu ñoñu la ñeen borom bo lecc ñoo doy amen deug kon ñoñu amna voilà dañ leen di wax tamit al ahad dañ leen koy wax tamit parce que tout simplement voilà ñam dañu unique les uniques xam nga la afrat ce sont les singuliers moy ciapatuli et dañ leen di wax ni ñen ni parce que tout simplement dañu am ci borom bi c'est à dire que le fait que lepp ci walu yalla ñuy jakkalo mom nonu jaara ko ci yalla te yalla kesse manam ñom en réalité ñom duñu gis loolu yalla en fait yi aduna bi yeb dafa kumpu ci ñom bam dess yalla rek existé ci ñom lepp luñu gis par yalla ngir yalla mais ba paré dañuy wëlbeuti ko nekkat ay genre nit ni simple aussi donc du difficulté wu mën leen détecter bisugo legui ha ñoñu nak ñoñu moy wa ahlul itlaq motax ñoo ñoo gëna kawé ci motax ñoom bokku ñu sax ci classification yi awliya yi ñoom bokku ñu ci borom khilafa yu mag yi deng ñoñu la ñaarelu martaba manam ñettelu martaba bi moy martabatul wahidiyati voilà moy martaba l'unicité maintenant manam de manière générale fofu mom moy martaba matalek yalla nek gi mu nek han bour biñu wara jaamu fofu nga xamantene dañuy melale borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbollem turum yek melom yi ngay deg fofu la ak ñuy xam ñu ne bu boba jaglay borom bi daldi feñ ay askan la giñ koy mëna askan la dang nangam daldi feñ de manière générale et de manière particulière c'est à dire que de manière absolue et de manière détaillée voilà ba pare ñu mëna wala ci ay wala et cetera ñu mëna tour pour yalla yi li la tour sant ki maki melom yi nangam et cetera di wax ci jaglem et cetera voilà ci luñu teunk ci luñu joyal yi yo xamantene pourtant touru yalla ak melo yeb and ak lool yeb nak qadima lañ manam amuñu kuñu commencer dañu nek c'est dañu pré-éternité dans l'antériorité absolue voilà c'est ça donc dañu antérieur de manière absolue deng légui ñu delu soir manam da ngay gis ni réalité mbir yi nak kon bokku na ci liñ fofu après liñ gisoon moy né réalité wu mbir yi manam nek yi dañ leen di tuddé ay shuun manam ngir le fait que shuun ngir ñaka tagal manam ngir ñaka takaliko xam nga buñu ñëw un truc xam nga fu tool même bu may wax ak yow daal amna ben truc ben notion lolu moy luñu waxul réalité am la parce que outulumako ben caractéristique bu koy mën di ragné ça de distinguer par rapport ak yeneen yi ci dess lool mbiri non lañu meloon nekkon nak ci hadar kon ahadiya jeng amuñu won jëm amuñu won melo amuñu won tour amuñu won wala amuñu won couleur amuñu won tamit dimension amuñu won dara loolu tax ñu tuddé len won suun kon borom subhanahu wa ta'ala nak legi loolu le fait que mu ñu ko layam ko fi chan limité ko moy jour bu nek ci suun yoy ya nekkon manam nga xamantene musuñu deñ di nek ci xam xamam ak di nek ci namam ni dana len genn bu heure sangam joté ak yoy manam genn gi mu len genn loolu mom moy ku layam ko fi chan manam programme bo mu teural lo né tout temps ni mu amé manam nono loolu lay tek dëng nga mais yoyu bi muy genn ñom ñep borom subhanahu wa ta'ala mi ngi leen di genné ci léram bi mu tuddé an-nurul kamil moy léru klan léru yalla ci bokkum mom mu lañ wax nur ka moy lèr gu mat gi moy lèr yalla manam en son essence hein moy lèru yalla en son essence hein mom moy an-nurul kamil té moy kan moy haqqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam moy lèru yalla en son essence lolu mom motax genn gi mi genné minde fi ci ñak am yobul len ci am daf ko def à travers lèram gogou lolu moy dafa genné ci lèram lèru yantir sallallahu alayhi wasallam limi tékki lolu moy que il borom subhanahu wa ta'ala le fait que tourum yek melom yi nga xamantene à travers tourum yek melom yoy ci lay bindé fi à travers yoy ci lay bindé fi ci la dajalé manam buñ suyé bo dañ nan la rek yentibi sallallahu alayhi wasallam haqqatu muhammadi ruhu yentibi sallallahu alayhi wasallam moy logiciel bi nga xamné ci lañu programmer lepp luy existence de telle sorte que lu yalla namul bind du ci programme et que bu ko yalla namul won créer logiciel bobu création do am comprendre le fait que nak mu guéné ko mom premier lieu muy réalité bobu moy la réalité mohammedian sallalahu alayhi wasallam mu guéné ko ci ñak am indi ko ci am lolu mom lañuy tuddé haqiqatul muhammadiyya mais teugul teup rek melni mu mel lolu après dinañ ci ñew ci walu digënt haqqatul muhammadiyya aqata muhammadiya durratul bayda fan la fiti ci walu gogu et cetera mais leer gu mag gog moy ifadatullah nurullah yalla moy leer gu yalla moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy may yalla gi yalla may mindi fi xiwul bu ruy gog muy ay beub mu jox ko mindi fi moy leeru yalla ci bopam buñu waxe leeru yalla moy yenente lolou lañ ci jox sallallahu alayhi wasallam moy leeru nek mom motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax mu ne aynu zati dinga aynu zati l'entité de l'essence divine. C'est ça, loko moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam il faut ñu xam kan moy yenté bi sallallahu alayhi wasallam do mëna avancer ci walu yalla hadara yalla ndul nga xam kan moy yenté bi sallallahu alayhi wasallam boko deful da ngay am problème danger bu mak ngay encourir bom bok na ci danger yi gëna mak moy nga ñak xam ko yenté bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom moy ruhul wujud, c'est-à-dire mom moy ruhu création bi nek gi mu nek ruhu création bi moy le fait que esprit c'est-à-dire son esprit lolou dinañ ci ñew li bok na ci yi nga xamantene war nañ ci ñew manam mais en gros moy ne yaronte bi sallalahu alayhi wasallam création bu ko yalla namul won manam mom moy roh bi nga xamne esprit bi nga xamne ci mom la création yépp di amé et que mom moy daw ci bir création bu lepp ci créature yi ma fil bariyati man lam tasfihi karaman min nurihi rabbana yalla amul ci minde fi ko xamne na yalla nandalu ko ci leer yent bi sallalahu alayhi wasallam ci teranga parce que sudul won lolou du exister moy nurikal lami alladhi malata bihi kaunaka hayata bi amkinatil makan moy sa leer gi nga xamne yow yalla yaronte bi sallalahu alayhi wasallam moy sa leer nga xamne mom nga fessale aduna bi nek sa aduna bi nga amal li nga amal yep ci mom nga ko fessale fu place parce que mom moy li daw ci bir place yep li nga xamantene bu exister wul moy secret bi motax moy ruh l'esprit c'est à dire que mbir bu taxawé la ko taxawol esprit bi la esprit wu mindeef yep nak moy yenente sallallahu alayhi wasallam parce que mindeef fi duñu dara lul ay tour yalla ak ay melom manifestation tour yalla ak ay melom lolou mo indi mindeef fi té tour yalla ak melo yoy ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam lako yalla feño ñun amuñu rapport ak yalla directement abadal motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñukoy tuddé al barzakhul azam moy l'isme hein voilà l'énorme le plus énorme wala le plus magnifique l'isme isma la barzakh la médiane yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom moy barrière bobu nga xamantene yalla bi mu feñowé lool après ni ci ñew ci détail mais ni ñu ñew ci yalla bi mu feñowé yenente bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko bindé rang ko touram yek melom yi manam feñu ci mom manam refléter wu ci mom touram yek melom yi après mom touram ak melom yi mu refléter fofu ci lañu créé ñun lolu mom moy dafa bindé ci léram léru yenente bi lolu manam bi di tekki manam bi tekki wu né yalla mom ci bopam da nek ni am ay lér yo xamné dafa nek non lolu hakikatan lolu ki la tashbih la lolu moy manam tashbih la mais yalla limu ñëk amal hakikatan mom moy gis nga moy mom lañu wax durratul bayda ak durratul bayda wurus go wex gog ñu koy wax la perle blanche mom mais en réalité haqqatu ahmad yalo bon lolu après dinañ ci ñew inshallah ci yaata mais en gros lolu la manam lolu bok comprendre ni comprendre lu bari légui mom moy kon ruhul wujud moy sirru zati yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy le secret même de l'essence divine parce que comprendre que l'essence divine moy lan moy yalla son secret yalla moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam noy yenenbi du kenn du yenenbi sallalahu alayhi wasallam yalla ñu yalla moy sopp yenenbi sallalahu alayhi wasallam donc moy secret yalla mais secret de l'essence pas tourum yi melo yi de essence hmm moy aynu zakh tamit sala diga moy l'entité même de l'essence divine mom moy mom ci jëmmé bopam moy voilà essence bi mais lolu téréwul né yentibi sallallahu alayhi wasallam mindeef la lolu téréwul parce que lolu cela ne veut pas dire que mom ci jëmmé bopam moy yalla dedet mom jaamu yalla la voilà and ak yoyep jaamu yalla la donc il faut nga différencier entre le fait que manam mom moy ki nga xamantene parce que lolu buñ ko waxe limi tekki moy li meuna wax legui moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam yalla daf ko exister en manifestant en lui sur lui mu def ko emplacement ou manifestation ou d'abord essence am moy sa ba param def ko place manifestation tourum yi ak melom yep nak sans exception legui bi lolo amé motax ñu koy tuddé né mom moy l'entité même de l'essence wala ñu koy tuddé man moy aynu zat wala ñu koy tuddé sirru zat secret mais cela ne veut pas dire que du ku ñu bind la ba paré manifesté wu ci mom okay gis nga parce que voilà lolu nak yaakaarna point la bo xamne ñu bari mënu ñu def distinction bob mais point la bu am solo voilà parce que muñ ko waxe ñu bari dañuy fagné gaay dañuy bokalé alors que bokalé wuñu dedet lolu la et que ñun buñu waxé ni yalla moy rahman ñun ki ñu xam du yalla lañu xam directement yenente bi lañu xam sallallahu alayhi wasallam buñu waxé ni yalla moy ghafur ñun xamuñu yalla yenente bi nek yenente bi tour yalla bi mu manifesté wo ci yenente bi ñun bobu lañu xam. C'est-à-dire que ce sont reflets même de ses attributs manifestés en lui. Nous l'avons comme. Nous. Voilà. Parce que Yalla a un rapport. Il y a un rapport. C'est rapport. Nous l'avons comme Yalla. En réalité, qui reflète au Yalla, nous l'avons comme. Effectivement. Et d'ailleurs, entre Yalla et Yalla, nous avons une barrière. Barzakhul Maktoub Cheikh Natidiane ya rabbi Allah ah oui hein Allah l'importance am serigne Cheikh Tidiane rabbi Allah anhu ar nabi Cheikh Tidiane on ne saurait connaître Allah si on ne connaît pas le prophète, voilà. On ne saurait connaître le prophète. Voilà. Si on ne connaît pas Cheikh. Son Cheikh. Cheikh Mtidane, maintenant, c'est que Cheikh Mtidane, par contre, son rôle est bon. Par contre, il faut même si Wali Yumaki. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas Wali Yumaki, c'est qu'il n'y a pas de rire. Ce qui n'est pas, c'est qu'il n'y a pas de rire, c'est qu'il n'y a pas de rire. Motax même kou yaakaane dafa am relation direct ak yeen tim sa sam non cheikh ngi fi parce que fuyu da tammi la budda mu jaar ci yow mu jaar ci mom c'est fuyu da comme tout le monde rek nit ki meuna tok di am rapport yu kawé ak yeen tim sa sallam mais qutbu zaman fo jaar affaire ci mom lay jaar ñew ci parce que mom non la demé affaire. Mais même boudé yow xamulo khutbu bi wa yi ngay jot ci ay fuyu da ay may ay leer yu wa la wacc ci yow xamulo kon la khutbu bi mais xam nga ni amna ko xamné mu ngi fi di dund pourtant ci même époque bi ngay dund ko xamné mbiri ci mom lay jaar obligé parce que yalla non la organiser aduna bi mom la sokku organiser ko non hein décision la bu mu jël bo xamantene yoonu keneen nekku ci non la ne non la koy doxale ken sa salam amul rapport ak kenn ku lu qurbu bi ken sa salam non cheikh bu joge ci cheikh mom moy wala fofu tamit ay hadarat la hadara bu nekk moy hadara yaw hadar haqqatul ahmadiyya hadar haqqatul ahmadiyya dafa kawé way bo xamné yekitiko way bo xamné li ci nek mam lèr yak may bon lolu yakana mën nañ ko gis tégi peut-être que dina tane yalla hadara ahadiya ahadiya fof mom kessé donc rek yaangi de mom gis nañ ko sa hadar sa ahadiya leer na ñu kay fa ahadiya amna hadaratul ahmadiyya après dafa france dafa manifesté wu à travers yenen tib sallallahu alayhi wasallam bimu ko bindé fof yenen tib sallallahu alayhi wasallam mom moy abdul zati en fait amna ku ñu wax abdul zati mais abdullah wana abdul zati haqiqatan bu mag bi yenen tib sallallahu alayhi wasallam parce amna benen hiérarchie bu am kenen ku tuddu abdul zati amna benen hiérarchie bu am kenen ku tuddu abdul zati jamono ju nek dede jamono yep kenn lay doon amna kenn makam wi tri la wa makam ko bokko yonte bi wa du yonte bi du cheikh ok mais kenen la hein wa deng makam wi tri ñom ñaata lañu wala bari nañu ñoo bari wa nuru na lu bari la kay di ci bari sa ñu ben rek do ta nekkat han ku ci nek da ngay nek ben bi rek do amal yeen maqama wala ankay mun nga dajale maqama yu bari maqama ok xam nga cheikh mutti dina dayal ma xoro barzakhul maktum bi maqama witriya la wa moy qutbul maktum tamit bobu tam maqama witriya la ok voilà khatmi voilà khatmi voilà maqama khatmi bi tamit voilà moy maqama witriya tamit donc on a plusieurs maqama yo xamné ni singulier mom rek mokoy jago wa té lolu amna xet wala yo imper manam maqama mo la lay wala l'imparité la solidarité wa singularité wala wa singularité wala imparité du tout imparité wa singularité wa wa parce que imper ci un lay tam bon imper 3 la en fait wa 3 la tam wa singularité plutôt oui d'accord donc amna ci bir ño xamné ni ñom ay khalifa cheikhna tidiane la Allah ta ñoo xam ñom dañuy am lolu xama witriya bob ño xamné ni ñom rek ñokoy jago té kenn duko amati wa amna wa amna chaque jamono xaw ah non ma xama witriya buñ ko waxé du chaque jamono ma xama witriya ku ko xass ba am benn yoon nga ko benn yow rek ya koy jago kenn duko doornu ci yow lolu muy ma xama witriya bokut ak maqama shafia comme nek khutbu sama du maqama witriya d'accord voilà parce que khutbu bu fi joge dina am kenen kuko don en fait man sama question dafa nekone est ce que maqama witriya bobu période bu nek waaw dafa am kuy ñew am maqama witriya bobu wala est ce que mais lool la lay wax mom la lay wax ne la lool muñu nek dootu nek maqama witriya moy maqama bo xamne nit ki bang ko amé comme yenente bi sala salam le fait que mu tej mbolam yenente yi maqama la bo xamne mom rek ko am kenen doot ko amati d'accord mais mom donc ça veut dire que mon neuf ça veut dire que yow mi ngi melni da nga ni est ce que chaque jamono par exemple dina am kenn ku ñew ko xamne moy tej yenente yi xam nga loolu am effectivement voilà loolu moy ma xamé wi teuriya d'accord mais mun na feñ an n'importe quel mom voilà mun na feñ an n'importe quel mom lu ngeenelu yalla nak dafa yaatu deug legi yalanti bi sallallahu alayhi wasallam dafa biko ci haqqatul ahmadiyya borom bimu ko bind manam lolu mom dafa nek abdul zat jamu kenn manam jamu nek bi moy l'essence bibel legi biko yalanti sallallahu alayhi wasallam nekke mom kon yalla mom rek la nek jamu yalanti sallallahu alayhi wasallam kesse moy jamu motax ngay gis tout temps buy waxe abdul yalanti bi lay wax Abdullah ci alquran yenen ci bi la wax salaam boudé kenen la dina ko préciser abduna zakaria abduna ayyuba abdu nangam wala abdan min ibadina manam kon ni mo wonane mais kon yenen ci bi rek la legui mu am mais yenen ci bi salaam bu nekkon ci hadara bobu kessé moy hadaratul ahmadiyya bobu té lolou am solo moy haqiqa bobu fofu voilà manam ci buntu hadara hadarat la manam sa presence mais haqa moy realité bi nga xamne moy ahmad yi fofu bu fa nekkon kesse mom day sante yalla kesse di sante yalla rek sante go xamantene kenn musko kenn duko sante kenn xamuko motax ci hadara bobu hadara bobu yeenati bi sallallahu alayhi wasallam dafa nek di sante yalla sante go xamne dafa upp dayu xel yi ak imagination yi de telle sorte que ken lolo tax ñu tuddé ko ahmadiyya ke gëna sante deng légui nak ñaari volé la aussi ahmad manam soit dafa nek ahmadul hamidina wala ahmadul mahmudina ahmad leg motax ñaari sens yo la am moy ki gëna sante ci ñi sante té yent bi la sa sante xabar bob wala bok ki gëna ki ñu gëna sante ci ñi ñu sante mu dagalé ko fofu mais fofu nak su fa nekkon kessé motax fofu kay way bi ñu yëkëti ku magay gi ak yoy taxna ba mënul am effet ci mbindé fi manam moy nit ñi fofu dafa kay bo xamantene xel motax haqqatu ahmadiyya xel yi mënu fa am accès xam xam yi mënu ñu fa am accès motax kenn xam ci dara li ma la wax dal moy lu ci xew lañ ci xam ya nga deg c'est profond légui mu am benen hadara bi nga xamantene borom bi nak subhanahu wa ta'ala bi mu bëgge yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam am manam pour mu baña nek ñom ñaar kessé et que yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam pour aussi création bi mëna exister wala création bi daf ko xam nga manifestation bu jëk bi ci nekkam rek la ko manifester mais benen manifestation bi daf ko rang mais bobu nonu père ben père la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben père la moy ciosanu haqqatu muhammadiyya mom lay ak durratul bayta c'est cette perle là et que yentibi sallam biko borom bi daf ko manifester wu ci mom d'accord cette autre manifestation bi mu def ci mom manifestation bobu da ko rang mbolam tourum yi ak melom yi tour ak melo yi nga xamantene ñom ñoy ciosanu aduna bi am nek nek yi ak tour ak melo yi nga xamantene ñom yalla dox dogal na du ci bindé dara mais yep dans leur ensemble daf ko manifesté wu ci yentibi sallallahu alayhi wasallam bim ko manifesté won nak ci mom yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa def ben manam dafa dilaté wu ha dilaté wu bim dilaté wo manam dafa yëngatu nonu comme boy ruyel dara ni comme glace bi ni yu glace boku ñëwé def fi tangor def ko ruyel ko wala da ngay gis wala benn ki ni nga ruyul ko da ngay gis muy taxaw di muy yëngatu noy di wacc voilà lool la légui nak ci la ko rangé lool mu daal di jël forme bi mu yor tay muy forme yenente bi sallallahu alayhi wasallam limu mel en tant que nit ni forme bobu la yor muy adam yi forme mom adam sa sa motax naka la ko jowatu kamal waxe mutakawwil adam yi sahibila voilà forme bobu la motax mam adam alayhi salatu wassalam yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy papam motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ko al abul awwal ñu tuddé koku mom moy papa ku papa gu jitu gi mom moy bayyi mam adam alayhi salatu wassalam ci ruham ak nonu forme bi mam adam yor yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko jox dans sa réalité muhammadia forme bi nak mu yor ni mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekké nonu ci haqqatu muhammadia donc dafa rango neja ça dit que dafa am manifestation essence divine bi nek azab am manifestation tour yalla yek melo yep nak dans leur ensemble lolou mom mo indi wa allama adam al asma kullaha wa xamal nañ mom adam ay sa salam tour yep manam tour yi nek ci manifestation bobu biñ ko jele jël ruham genné ko ci ruh yentibe sallallahu alayhi wasallam mu nek formam bi mu yor tay muy mam adam alayhi wasallam nga xam tour yep dafa nekkale en même temps ci mom motax tour yep nonu la nekké ci maara motax nit mo meuna am maqam martaba bobu taxaway yor tour yep melo yep contenir len détenir len ba paré xam len meun leena mos meun ci am accès té dans ci bir lool motax nit ki moy al alamul akbar moy aduna bu gën be mak dans ce sens parce que mom moy mom la yalla bindé ci melom image am manam comme Allah khalaqa adama la surati Allah dafa bind adama mam imanam yalla dafa bind mam adama alayhi salam ci image am mom sura manam moy dafa manifester ci touram yi melom yi et que à travers kon hakka mohammed yow ci le minde fi yep amé mais lolu mu mel non légui kon yalla lolu daf ko def manam ngir nam ni mu nek ci saamu yeneen minde fi ci dess bu nek ci saamu yeneen minde fi ci dess kok moy bo kon benen hadara mais aussi bobu tamit dafa kawé du ñepp ñoo ci am accès directement légui mu am hadaratul anbiya hadra yenenti ya alayhi salam mo nek ci soufam ba nga gene ci hadratul ahmadiyya wa hadrat muhammad yi mo ñew wa après hadratul anbiya voilà d'accord ing mais bo comprendre processus bobu ba déjà ci haqqatul muhammadiyya di nga comprendre le pourquoi ñuy wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy secret borom bi di nga comprendre pourquoi ñu wax ne mom moy nekam deug son entité di nga comprendre pourquoi et cetera ñu wax ne moy ruhul minde fi aussi di nga comprendre le pourquoi ñu ne mom moy secret minde fi hein mom moy la réalité haqiqatul kawni la réalité de l'existence wala du cosmos la réalité du cosmos mom la yenté bi sala et que ni mu nek réalité bobu xamna jotaay bi di ñew dinañ ci gëna ñew moy day daw ci mbolam mindeef yakana suba inshallah voilà day daw ci mbolam mindeef yenté sala sala mais ñu jéxal ñu daanalé fofu pour ci hadarate bu ko defé ñu mëna xam ñu fu ñuy tassan fu ñuy ñew ki ñu ñi ki donc hadara mais lolou dinañ ñëw après à détail inshallah kon hadara kan yeen sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam anda hadara muhammad ya la hadara yeenent yi alayhi wasallam ñom nak ñoy tibbi manam ñom ñoy intermédiaire yalla lepp lu muy joxe te diko jaare ci yeenent bi sallallahu alayhi wasallam il faut mu jaar ci hadara yeenent yi alayhi wasallam ya nga dig lolou tax sayyid ahmed tidiane la deena wax ne bim nan كلما فاض وبرز من حضرة الذات تخلقه حضرة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وكلما فاض وبرز من حضرة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاه الأنبياء وكلما فاض وبرز من من الأنبياء عليه الصلاة والسلام تتلقاه الذات ومن يتفرق إلى جميع الخلائق لب لو خمت ندف بب فين جوجي يلا حضرة ديلو ين سنو من دي صلى الله عليه وسلم ماكو تاو lu joge ci sangu mindeef na saxam yeenante yalla saxam ñokoy ci taw mais lu joge fu ci ñom ba bobbe ci ñom feñe fa sama jëm ji ko taw te ci man mi lay joge di tassaro dem ci mbolam mi lan mindeef yi mindeef yëpp amul ben atom particule ci aduna existence ludul limuy jox lu muy jot lolo lu meuna don lu ne ci sayyid ahmed tidiane radhiyallahu anhu lay jaar amul ben particule bi aduna exister ba legui yo rewé suñu sëri amul mbolam njariñ yi mbolam xam xam yi mbolam xéewal yi yépp fokk lay jaar ci hadra cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu legui hadratul anbiya bimu nekk ni xam nga hadratul anbiya nak par contre ci kaw la né bo xolé légi mu am hadratu khatimul awliya ni ci souf mon mo len fété souf ñom mais à droite la nekké à droite la nekké légi hadara xola hadratu haqqatu muhammadiyya xola bu nekké ni nekké ni hadara yenen ci yalla sallam nekk amba mais comme hadara haqqatu muhammadiyya mo gëna yaatu bu ñu hadara yenen ci yi alayhi salam donc day meuna gëna talalu ne effectivement legui budé hadar legui hadar cheikh mouti diallo dal sen droite la neñu mais ci souf ce qui fait que amna luy jugé ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam li ñew directement ci cheikh té du jaar ci yenenbi alayhi salatu wassalam d'où toute la particularité de cheikh mouti diallo sa singularité exactement radiyallahu anhu wa ta'ala et que legui après mu am ba après mu am ci souf hadara talib cheikh yi hadara talib cheikh yi mu am à gauche hein mais ci sen souf talib serigne ci yenen serigne yi qutbu yek ñi ci dess ñep cheikh mouti diallo dara limuy joxe amna yo xamantene da koy jaggel ay talibam du ko jox sax khutbu yu magi motax dayer mu newon khutbu yu magi yow bu yow mar xiyamate buñu gisee liñu joxu borom salat fatih manam moy talib bi dinañ dañuy joy ne yalla ndekete joxoñu dara Allah legi jurom ñaarelu hadara bi nak moy hadara talibe manam talibe yeneem serigne ci ها نيو فوق ان شاء الله والله تعالى صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين